C'est fou 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est pas mal, c'est fou! Jean-Philippe était supposé dire c'est les palmarès c'est fou sur la phrase d'ouverture comme à chaque émission à laquelle il participe, c'est-à-dire la semaine ou deux semaines. La première. C'est pas mal ça. mais non, t'es obnubilé par l'iPhone 6. Ben oui, c'est normal. Je sais pas pourquoi, j'étais juste en train de le regarder. Je suis là, il y a des choix de couleurs. J'avais pas encore regardé les choix de couleurs. Est-ce que tu prendrais noir, blanc ou doré, toi? Clairement noir. Clairement noir, moi aussi. Mais malheureusement, on peut pas en acheter. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y en a pas eu le temps. Bon. Mais on n'est pas là pour parler de technologie, même si j'aimerais bien ça. On fait ça le mardi, les technologies au Mathieu Planchot. Le mercredi, ce qu'on fait, c'est les palmarès assez fous, c'est-à-dire un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Jean-Philippe est là et c'est Charbonneau, son nom de famille. Oui, Mathieu Plante est là et Plante était son nom de famille. Merci et un verbe. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va savoir d'ici la fin si le numéro 1 anglophone est toujours Up de Debitabs featuring Mr. Valère. Oui, du côté francophone, on va voir si c'est encore Rouge Pompier. Oh! Surprise d'ici la fin, dans 3 heures. Malheureusement, Jean-Philippe, tu seras pas là jusqu'à la fin pour connaître le punch. Non, malheureusement. Non, tu vas nous quitter à mi-chemin environ. Oui, mais peut-être qu'une petite oreillette avec mon application iPhone pourra me permettre de savoir quel est le numéro 1. C'est ça, si seulement tu pouvais avoir une application pour parler à la radio avec moi et co-animer sur la route. Ah, je préfère ça. Ce serait parfait, ça, ou genre en CA ou en réunion bien important. Le numéro 4 était... oui. Rouge pompier. Oui, c'est ça. On a aussi Palmer Rest in Peace parce qu'on dit au revoir à beaucoup de pièces cette semaine. Je crois que c'est 10. Donc, on a 10 nouvelles entrées. Commençons avec ça. D'accord, Mathieu. On va y aller avec les positions numéro 20. Plus tard, il y aura The Last International avec Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood. Mais pour l'instant, en francophone, on va écouter Fanny Bloom avec Sammy Sammy. C'est sur l'album Pense. Est-ce que tu penses que c'est pas un P-A-N comme une pan pizza? Ah, ou peut-être... j'en prends pas. J'en prends pas. Non, en fait, je t'annonce que c'est pour l'instrument de musique La Flûte de Pan. Ah! Parce que la chanson, elle commence avec ça. C'est cute, on dirait du Kenny G. Oui! Mets-toi nu, Mathieu. Ah, oui! Tu ne cours plus et ton souffle a repris sa cadence. Tes fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. La lumière que je connaissais de toi. Oh Samy, Samy, je sais que les choses ont changé. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller. Mais je ne comprends pas. J'ai décidé de ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Aux amis, amis, prénoms et rangs défendus, j'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus, et j'ai fait ça pour toi. Fin! Nouvelle entrée. International, un groupe américain avec la pièce Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood. Et du côté francophone, beaucoup plus doux, hein? Fanny Bloom avec Sammy, de son nouvel album Pan, qui est sorti mardi dernier. Ça aurait pas pu être plus doux que ça. Et d'ailleurs, on va faire la même chose dans le prochain bloc. Ça va être un petit peu plus rock du côté anglophone avec Elphinstone et Motherless Child, entre parenthèses, Love's Not For War. On a que des longs noms en nouveauté, on dirait, du côté anglophone. C'est pour nous enfourcher la langue. Enfourcher la langue. Ça, c'est quand tu... c'est comme quand tu montes sur un cheval, tu enfourches le gag enfourche ta langue. C'est ça. Il te monte sur le... J'imagine. Là, le visuel est bon, Mathieu. C'est un très bon visuel. mes enfants sont francophones, une autre nouvelle entrée, celle-là, je dois te renseigner avant même de l'écouter, qu'elle est vraiment très, très mono, très, très sexy. Elle est très mono. très mollo. Elle ressemble à une trame sonore de film porno un peu par moment. OK. Je trouverais. Donc, je sais pas. Si, tu me diras ce que t'en penses après, OK? Oui, mais c'est ça. Si vous êtes dans votre auto, attendez d'être chez vous. Avant de créer quoi que ce soit de viral. Ou monter la chaleur vraiment dans votre voiture. Oui, c'est ça, les essais chauffants et tout. Ça va être vraiment chaud. Okay, oui, donc cette chanson qui est plus douce, c'est Brigitte avec à bouche, que veux-tu? Oui, Brigitte. Vas-y. Bribri maintenant. Bribri, oui. C'est la plus vraie. Oui, moi j'ai déjà appelé Bribri. Oui. Ouais, c'est. Ouais. Pourquoi là? Parce que ben ça elle s'appelle Brigitte. Ouais. Puis là après ça j'ai dit tu connais pas Bribri? Non. Puis là t'as répondu non. Double fromage. Double fromage Bribri. Bribri. Oui. Sur sa pierre tombale serait écrit si gite Brigitte. Brigitte. Exactement. T'sais? Parce que c'est comme un mélange d'un fromage puis un petit auberge. Oui, exactement. Mais elle en a six. Six. Boy. On l'a tiré comme du fromage dans une fondue celle-là. Mais dis-toi qu'on a au moins 7-8 minutes pour s'en mettre. C'est ça. À peu près. Oui. Et on a rempli 2-3 minutes de contenu. Voilà. Incroyable. De pertinence comme toujours. Vous êtes au palmarès fou. Plus attendre, viens fièvre prend fin. M'aimeras-tu demain? Sur tes mains, m'aimeras-tu demain? Dix-neuf. Nouvelle entrée. Elephant Stone et Motherless Child, Love's Not For War sur l'album The Three Poisons. Et du côté francophone, en 19e position, c'était Brigitte avec à bouche, que veux-tu? Brigitte! Ah oui, Brigitte. Bon, Brigitte! Bon, c'était soft, mais là, on a convenu que le beat était pas assez hard. Pas assez hard pour faire vraiment de la porn. Ouais, exactement. Tu mettrais pas ça en fond. Tu mettrais quoi, du Barry White ou quelque chose de vraiment... Autre chose complètement. Silence. Peut-être. On est rendu aux positions numéro 18. Des nouvelles entrées, il y en a encore pour un bon moment. Donc, ne vous en faites pas. Du côté anglophone, c'est celui qu'on ne sait jamais comment prononcer. Rich Aucoin, riche au coin. Richard in the corner. Avec Want to Believe en 18e anglophone. Et en 18e francophone, on va écouter Rupture de Holly Laroche. Ah, ben maudit. Si j'avais quelque chose à déchirer, mais je ne veux pas déchirer mon beau palmarès. Non. Fait que je fais rien. T'as pas des papiers, toi? Oui, j'en ai plein, mais je veux pas les déchirer non plus. Ils sont fraîchement attaqués. Oui. Le gars, il fait du multitasking, il claque des affaires pendant l'émission. C'est... Oui, puis je suis en train de me faire un tricot aussi avec mes pieds. Ça paraît pas. Hein? Veux-tu nous faire un solo de taqueuse? Oui. Comment ça, c'est cool. Wow. C'est la plus belle chose que j'ai vue. Oh, wow. Magnifique. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'apporter des agrafes? De J'en ai plus. C'est pas une machine. C'est la machine. Surtout pas mal, c'est fou. J'allais faire des jokes de s'il s'est vidé, mais je vais me laisser faire. Rupture. Rich Aquin et Want to Believe, position numéro 18 du côté anglophone. Rich Aquin, pour ceux qui ne savent pas, qui est un musicien indie rock de Halifax en Nouvelle-Écosse. Je le sais maintenant. Ben maintenant. Merci Mathieu. Du côté francophone, toujours en 18e position, c'était Oli Laroche avec la chanson Rupture. Moi, j'ai bien aimé ce bloc-là. Je trouve que c'est... Ouais, c'était un bon bloc. C'est parfait. C'était c'est le mix parfait du franco-anglo. Ouais. Ouh. Oui, un mélange parfait. Il nous reste encore plein de nouveautés. On va voir si les prochains blocs fit ensemble. En tout cas, moi, j'ai l'impression que non. Je vais y aller avec un non, parce qu'on va entendre du côté anglophone In Flight Safety avec Animals en 17e. Et en 17e encore, évidemment. Hein, on se suit, Mathieu, on se suit. Oui. En francophone, Salomé Leclerc avec la chanson Arion. Elle, je sais qu'elle est vraiment lente et calme, cette pièce-là, donc d'après moi, ça fitera pas. Mais c'est ce qu'on aime, c'est la variété musicale. La plus grande variété musicale, mais pour vrai, à la place de juste un slogan. Pour vrai. Vous trouvez pas ça ailleurs? Non. Jamais. Jamais. Peut-être au garage. Tu peux trouver ça tailleur. Oui, boy, écrime, ça l'est. Oui, OK. On va se comprendre. On va faire des blagues encore pires que ça d'ici la fin de l'émission. Parfait, Mathieu. On va essayer, en tout cas. Je suis prêt. Arlon, Salomé Leclerc. Tout de suite, c'est vous. Tu cours, je cours aussi. Comme si des loups pointaient nous. Thank you. Nouvelle entrée. Flight Safety avec Animals en position numéro 17 du côté anglophone. Et encore une fois, un peu plus calme, hein, c'était Salomé Leclerc avec Carillon. Je sais pas, en français, on dirait qu'on est comme pas blasé. On est smooth. On est chill, on est nice. On est yo dans le bro. De, ouais, c'est la fin de l'été, c'est l'automne. C'est la fin de l'été. Relax, man. Vraiment longtemps, je trouve que c'est la fin de l'été. Et c'est le début de l'automne très très longtemps. On dirait qu'encore là, il y a des activités de début d'automne, puis on est rendu comme quasiment au mois d'octobre. Là, ouais, moi, je suis encore en été. Ouais, hein? Je sais pas pourquoi, mais je suis encore en été. C'est vraiment bizarre de voir ça, mais bon, hein, les choses sont très lentes à l'université, c'est comme ça. Bon, que voulez-vous. Puis à un moment donné, il va neiger. Bam! Ouais, l'hiver! Jingle bell, jingle all the way! Oui. Petite anecdote. Oui. Mathieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'anecdote. C'est vrai, raconte-nous. Trois semaines de cela. Est-ce que ça s'est passé il y a trois semaines? Ou... Exactement, okay, ça s'est passé il y a trois semaines de cela. Mm-hmm. Je pense simplement acheter une lasagne chez Costco, t'es ben, ben tranquille. Peinard. Devine, qu'est-ce qu'il y a dans les allées du milieu chez Costco? Il y a trois semaines. Je sais pas. Les sapins de Noël. Non! Ouais. Même pas les décorations d'Halloween à un mois de distance, et même là, presque deux mois, c'est là trois semaines, on s'entend. Ah ouais. Deux mois de distance, non, de Noël qui est à quatre mois, dans le fond, de distance. Oui. Septembre, une partie, octobre, novembre, décembre. Ce que j'ai apprécié voir, c'est pas juste ça, mais les gens les acheter puis dire « Et qu'on a bien fait d'acheter ça tout de suite! » Hey, hein, on est à nos affaires, hein, on est ben vraiment... Oui, c'est important. Non, mais je peux pas croire. C'est parce que c'est ça, d'offrir les produits, déjà, ça me dérange qu'ils l'offrent, mais que les gens s'en procurent, pour vrai. Oui. Ça, là. Moi, c'est Valentin, tant qu'à faire. Moi, je sais pas pour toi, Mathieu, mais en fin de semaine, j'ai l'intention d'aller acheter mes maillots de bain pour 2015. Tant qu'à faire. On n'est jamais trop tôt. Moi, je me prépare pour le bug de l'an 3000. Wow! Position numéro 16. En fait, on va sauter par-dessus les 16e et 15e anglophones, mais on le fera au retour des nouveautés parce que pour l'instant, c'est la portion New Shit. Donc, plus tard, en 15e francophone, ce sera Philippe Braque qui est dans ma tête. Oui, mais juste avant, on va écouter Les Passagers avec. Yup. Non, Pandaléon. Oui. Je m'excuse, avec basse-cour. C'est pareil, coin, coin, coin, comme un canard dans la basse-cour. Tout à fait. Qui se protège pour le bug de l'an 3000.

De façon de dire au revoir, mais il n'y en a pas mille non plus. Ça. Non, c'est ça. À un moment donné, on a fait le tour. C'est ça. Donc, c'était les essais des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 15 au 21 septembre 2014. Oui, Mathieu, on a commencé avec Fanny Bloom, la chanson Piscine qui est restée avec nous cette semaine. On a poursuivi avec Radio Radio et Holiday qui a duré 6 semaines. Par la suite, il y avait La Bronze avec La Jeunesse Féline, 6 semaines. Sans suivi, Mordicus avec Oh Maman, 6 semaines. Tout juste après, il y avait Amor Blitz avec Ma plus belle psychose, encore une fois, 6 semaines. Je dirais même plus Philip Brack avec T'aurais pas pu nous prendre à deux qui a duré 7 semaines. Du côté anglophone, il y avait Jack White avec Lazaretto, 6 semaines. Le cas échéant, Vogue Dots avec Skinny Things, 5 semaines. Et en avant-dernière, Bry Webb avec AM Blues, 7 semaines. Cela étant dit, il y avait aussi Pink Mountain Tops et Ambulance City qui a duré 8 semaines. Mais toujours est-il que le palmarès n'est pas fini, Mathieu. Oh non, parce qu'on retourne à nos nouvelles entrées avec les positions numéro... Enfin, non, je dois dire avant ça qu'on va sauter par-dessus les pièces 16 et 15 en anglophone parce qu'elles ne sont pas nouvelles. On saute en 16e place, Monomyth et Candle Holder. Mais on va aller écouter... On saute aussi la 15e. Ah oui, c'est ça, la 15e, qui est Return for Refund de The Fields. Yeah! Donc, on va y aller avec les positions numéro 14 du côté anglophone. Ce sera Death from Above 1979 avec Government Trash qui monte de 6 places et qui était nouvelle la semaine passée. Génial. Mais avant ça, en 14e francophone... Les passagers, c'est lui que j'ai dit tantôt, mais que c'était faux. Ouais. Donc là, on va aller l'écouter pour de vrai. Donc, les passagers avec Achetez ta peau. Moi, de former ça, moi, ce co-animateur-là. Ah, ça sert à rien. De toute manière, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Mm-hmm. Mm. La crème de la crème. The cream of the cream. Toutes les possibilités rompues. pouvoir un jour me la mettre sur le dos. Nos désirs dépassaient ces premiers instants charnels. Quand nos pores expiraient encore un parfum de miel. Je n'ai jamais eu besoin d'acheter ta peau pour pouvoir un jour me la mettre sur le dos. Nos désirs dépassaient ces premiers instants charnels. Quand nos pores expiraient encore un parfum de miel. From Above 1979 et Government Trash en 14e position anglophone. Et stable depuis la semaine dernière aussi en 14e position, on avait les passagers avec Acheter ta peau. Est-ce qu'on fait un petit tour de ce qu'on saute avant la fin de cette première heure, les palmarès, c'est fou? Ah, qu'est-ce qu'on saute? Du côté anglophone, on saute par-dessus les 13, 12 et 11. Donc en 13e, The Stripes avec Mystery Man qui descend de 1. Amsterdam de Valerie Gore descend d'une place en 12e. Et en 11e, ça descend de 1 aussi. C'est P.S. I Love You avec In My Mind At Least. Du côté francophone, on saute aussi les 13, 12 et 11. Jean-Philippe. Oui, donc en 13e position qui a quand même monté de la 20e. Mais c'était Danny Placard. Ben, ça aurait été Danny Placard avec aussi. En 12e position qui monte de... qui descend de 1. Donc qui monte de 1. C'est La Féline, Adieu l'enfance. Et finalement en 11e position qui descend de la 7e, Alexandre Desilets et Crime Parfait. On apprend les mathématiques en même temps qu'on apprend la musique, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Puis on apprend aussi à se mettre un Kleenex quand je commence à saigner du nez parce que j'ai trop réfléchi! Ah, des Kleenex brandy, c'est fou, ce serait pas pire. Ah oui, on préfère ça. Et du brandy, brandy, c'est fou, ce serait pas brandy, pire aussi. Brandy, du brandy! La deuxième heure top 10 serait celle-là. Fou de choses geek! Bonjour, c'est la deuxième heure des palmarès fous pour la semaine du 22 au 28 septembre 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Et dans le coin droit, Monsieur Mathieu Plante. Oui, ben c'est ça, ça dépend de quelle base on regarde la pièce. Mais, oui, c'est ça. En effet. En avant de moi. Oui. Derrière les gens de la chasse. Derrière la console aussi. Entre la console, entre la chasse et toi, finalement, il y a moi. Je donne ma langue au chat. OK. Ou, attends, je pourrais aussi faire un lien en disant... Je donne ma langue au cheval. Ah, pour Eugène, le cheval, mais quel lien incroyable. Un vrai talon. Hein? En effet. Du côté anglophone, plus tard, il y aura Language Arts avec Wonderkind qui monte de 5 places, oui, sur l'album qui se nomme aussi Wonderkind. Mais avant ça, tu l'as dit en 10e place, qu'est-ce que c'est? Ben oui, j'ai vendu des punchs, mais c'était Eugène et le cheval qui monte d'une position avec la chanson Invincible. Ouais, je trouve que t'as levé à queue pas mal vite. Ça arrive. Faut frapper des mouches, bien sûr. Check-moi bien me la shaker pendant la toute. Faut frapper des mouches, bien sûr. Ben oui. Faut pas avoir l'esprit tordu ici. Non, non. Les temps se transforment, deviennent formes opaques et menaçantes. Une peur collective s'installe en nous, une peur à nous. Fou. 10. Jets et Wonderkind, ça monte de 5 places, c'est la 10e position en anglophone. Et ça monte encore, ça monte d'une place également en francophone avec Jeanne et le cheval et Invincible. On est entré comme justement des gens à cap, des super-héros dans le top 10 des paroles assez fous. On sera jusqu'à la première position dans environ 1h45. Le suspense va tenir. Dans quelques instants, après le prochain bloc, ça va être un descente classique. Les meilleurs moments d'assemblage requis. Oui. Tous ensemble. Mais avant ça, en 9e place anglophone, il y aura Mozart Sister avec Enjoy qui est stable en 9e. Et ça descend d'une place en 9e position. C'était en 8e la semaine dernière. Ludovic Allary avec Contre-courant. Allary. C'est des paroles assez fous. C'est ça. C'est ça les paroles. C'est ça et moins encore. Yeah. vers le bord pour retrouver tes forces. Tu brises le silence par ton absence. Must pa. Non, c'est... Ça, c'est dans tes rêves, Mathieu. Je pense que oui. Fast food. C'était Mozart Sister et Enjoy. Oh, comme un slogan de Coca-Cola, ça. Stable en 9e position anglophone. Et qui descend d'une place, c'est Ludovic Allary, contre-courant 9e place, qui était en 8e. Tout à l'heure, en 8e, justement, il y aura Bernary et The New Pornographers, mais avant ça... Avant ça. C'est l'heure qu'on attend tous, à peu près vers le milieu de l'émission, où on écoute les meilleurs moments de l'émission matinale Assemblage requis. Oui, monsieur. On mais celle de ça, la semaine d'avant. De la semaine d'avant, parce que là, on est dans le présent, puis on n'a pas fini la semaine, fait qu'on fait la semaine d'avant. Exactement. C'est un instant classique. Classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 15 septembre 2014. J'ai un bain qui coule, moi. Ah, moi, c'est ma fenêtre de salle de bain. Vous, ben à la maison, j'espère que tout va bien. Si quelque chose coule, j'espère que c'est juste du bonheur de vos parts. Je coule de bonheur. Ouais, on dit ça souvent, tu sais. C'est pas ça, genre coule ouais, de bonheur. Non, non, cool. Moi, je pensais comme Titanic coulait de bonheur, je trouve, ouais. Dans sa carrière. Dans sa vie. Lazaretto! C'est Jack White. Wow! Sur le beat! Ah, c'est un assemblage de qui? Ah, ça, c'est un chat qui avait envie d'aller à sa petite fontaine d'eau. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses uniques. C'est quoi? Un chat qui buvait. C'est un chat qui buvait de l'eau dans la fontaine de l'information. Tu t'en souviens pas? Ah oui! C'est sel. Ah oui! Sel. Salt. Comme... Salt. OK, pas sel comme dans les flatulences mènent vers... Non, non, mais salt. Là, je pense qu'on est su. Alexandre Desilets, oups, petit peu, oh, tu vois, c'était arrêté. Ok, parfait. Est-ce que vous avez une mouche? C'est quoi le titre de la pièce? Concerto! Hein? Comment t'écris ça? Ben c'est comme un concert, mais avec un. C'est comme Foggio, tu sais. C'est au fudge, mais avec un O. Avec à un fin, O. Ouais, ben c'est en rond. C'est ça, exactement. Fait que là, c'est un concert en rond. Tout à fait. Ensuite, c'est four. Pas ouais, comme quatre. Non, four comme pour. Ok. Lutte. Okay. Oui, le sport, là, c'est arrangé. La pièce est arrangée, c'est ça? Non, l'instrument. Hand? Oui, ta main. Non, le mot « est ». Non, non, ta main. Pas ma main. Hand plucked? Ouais, ça, je pense qu'on comprend que c'est plucked. Hein? Il n'y a pas de jeu de mots à faire avec ça du tout. Non, du tout. Strings. Mais pas comme un string, comme une corde. T'as réussi à traduire ça en français comme faut? C'est lutte de biscuits au chocolat et synopsis de Bobette. Voilà, je pense que c'est à peu près ce que ça voulait dire. C'est ça. Ouais. C'est pas évident à traduire, là. C'est du vieil anglais. Mm-hmm. Faut vraiment, je te dirais, être très solide en traduction pour aller chercher vraiment le sens profond. Et ça nous donne un peu l'idée du ton du film aussi. Mm-hmm. C'est intéressant. Oui, mais ton comme le ton, et non pas comme un ton. Le poisson. Comme le poisson. Ou le. Pas l'oiseau, là, mais la bébé. L'oiseau, ça le. Ça va, un oiseau. Le célèbre ton volant. On accueille Sébastien F. Guertin. Bonjour. Bonjour. Je vais continuer de l'appeler F. Guertin, même si on ça on dirait que t'échappes ton dentier. Ou j'ai pilé sur un savon, mais je sais pas trop quoi. Stéphanie Paradis nous a quitté quelques instants. Aller faire des commissions. C'est une fille tout le temps en train de magasiner. Mais en le gars, Festival de la saucisse, Sébastien F. Guertin est toujours là. Ouais. C'est l'Octoberfest qui s'en vient. C'est comme si c'est dit Festival de la saucisse. Un petit peu de sauce. Philippe Braque, comme bien braqué. T'sais, on pourrait dire, oh, mais il est bien braqué. Hein? Ah ouais, on peut dire ça? Je sais pas, j'invente ça. Je veux partir des modes. Hashtag, vous êtes braqué. Parce que une fois braqué, tu peux faire kinky sexy time. Je suis pas sûr que tu comprennes ce que ça veut dire. Je pense pas, non, c'est un vol de banque. Donc, kinky sexy time, c'est la chronique débridée, la petite sœur dévergondée de cet effet. Oui, débridée sexe-temps. Débrider sexe-temps, c'est la traduction française de King Sexy Time selon l'orifice de la langue française. Je sais pas si ça a déjà été fait sur bord, celle-là. Au retour, c'est Myriam Lortie. L'orteil! Comme je l'appelle, quand je me cogne un petit peu. Ah, je m'appelle l'orteil! Passe une belle journée. Ben oui. Toi aussi, Steph. Ben, hein? Hein? C'est juste passer de ma journée, toi aussi, c'était... Ben, genre, le public, en premier. OK, moi, j'étais pas visé comme... Tu sais, dans le public, je t'écoute, là. Non, je te tutoie, toi. Ah? Ouais. Ben, j'aimerais ça que tu me vouvoies. OK, madame. Pink Mountain Top sur leur album Get Back, et voici Ambulance City. Sur C'est fou. 89 ans FM. Oui, oui. Ça, c'était... C'est un bruit d'ambiance. Ça, oui! Non, ça marche pas. C'est quoi un bruit d'ambiance? Ding dong, ding dong! Fluck of luck! Un genre de treillis de bacon à la cassonade. Hein? Ça a l'air vraiment bon, ça. On aurait dû faire l'entrée d'année janvier pour celui-là. Quand je le vois à l'extérieur du studio qui est en train de jaser avec David Ferron, puis on parle de bacon sans lui. Bacon! C'est le cri du Danny Janvier. Ah, il m'a entendu! Moi, je pense que c'est juste parce que t'as l'air fou. Son oreille a fait « ouh! » Malaise. Ouh! Hey, il y en avait pour tout le monde là-dedans. Il y avait vraiment. Le bacon, le janvier, les ailes de poulet, Jean-Philippe Charbonneau, les bananes pour moi, toi et tout le reste. Tout le reste, les restants. Je suis un gars de restant. David Ferron est là. Fait qu'il faut l'accueillir avec ses chroniques. Les notes salées. Salé. OK, fait que t'étais meilleur pour les paroles que moi, clairement. Caravane. Ah! Ben oui. Bonne idée. Alors, chanson du palmarès, c'est bien sûr... Chien noir! Ben oui, j'allais le dire, elle me laissait finir ma phrase. Tellement qu'on a plein de styles musicaux assez fous, on pourrait se permettre de charger 12$ par mois. T'sais? Parce qu'il y en a pour du blues, il y en a pour du jazz, il y en a pour du métal. Sirius XM, là, puis c'est fou même qu'on bat. Au retour, on fait ça existe, mais ça devrait pas là. On va s'acheter des gadgets inutiles. Si les étudiants, on sait, ça cherche un 12$ entre les coussins du divan. Là. Fait que vous chercherez ça plus le shipping. Genre, dans les coussins. Donnez aux pauvres. Donnez à nos auditeurs. Faites des dons pour un 800. C'est fou. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Aujourd'hui, les délais sont particulièrement intenses, je trouve, on dirait, dans la genre partir les affaires. C'est pas ta sclérose en plaques qui fait en sorte que t'as des délais dans tes mouvements. Wow, c'est... Excusez, je pensais pas que c'était une émission en vrai. C'est mis à dos la majorité de notre public, c'est-à-dire les gens qui ont la sclérose en plaques et qui sont forcés à rester cloués au lit. Ils sont obligés de nous écouter, ils peuvent pas se lever ou changer de poste. C'est les rosés qui se lèvent tôt. Ah. Désolé. On vient dans deux instants avec une autre chronique comme les instructions d'assemblage. Deux instants. Comptez-les. Un instant et deux instants. On revient. Hop. Bon retour, vous êtes toujours à l'assemblage avec nous. Dans quelques instants, à 9h30, c'est deux filles, deux styles. Une émission. 2-2-1. 2-2-1. 2-2-1. OK, ça va faire. Non, non, mais j'en parle pas. Là. T'en vas pas là-dedans. Non, non. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 15 septembre 2014. Toujours avec une semaine de délai. Oh, de délai. De délai, mais pas comme autant de délai comme dans un des clips qu'on vient d'entendre dans l'assemblage requis. Ben non, c'est pas ce genre de délai-là. C'est voulu, celui-là. Voilà. Semaine du 15 septembre, retrouvez les montages sur assemblagerequis.com et on fait un instant classique en milieu d'émission au Palmarès C'est fou chaque semaine. N'oubliez pas évidemment d'écouter Assemblage requis lundi au jeudi. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, en fait. C'est en fait la première fois que j'aurais dû annoncer. Oui. C'est lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. En 8e place anglophone, on retrouve The New Pornographers et Brill Bruisers qui descendent de 6 places. Et en francophone, en 8e position, qui était en 12e, donc qui monte et qui monte, on a Bernari avec la chanson Sagar. Ouais. Bernard est plus, hein? C'est comme Ludovic Adari. Ouais, c'est un peu le même gag. De très, très bas de gamme, ouais. Recyclé. Je pense qu'il vient gratuitement à l'achat d'une causeuse. Ce gars-là, tellement il est bas de gamme. C'est un peu embarrassif. Mathieu, moi je quitte. Au revoir, merci, JP. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Puis tu me diras c'est qui le numéro 1 cette semaine. Okay, je te texte ça tard. Parfait. En exclusivité exclusive. suite. The New Pornographers qui descend de la deuxième place en huitième anglophone avec Brill Bruisers et en franco, c'était Sagard de Bernary qui monte de quatre places. Avant de passer à nos prochaines positions, retournons un petit peu en arrière. Voici C'était fou. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 25 septembre 2009. C'est

bloc C'était fou pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2009. On a commencé avec La Patère Rose et La Marelle, le numéro 1 francophone de cette semaine-là sur l'album La Patère Rose. Ensuite, en anglophone, le numéro 1 était Metric avec Cold Guns Girls sur l'album Fantasies. Et on a terminé avec, je suis pas sûr si c'est Gold Guns Girls, je crois. Mais bref, peu importe. Et finalement, Band of Scars avec Fire sur l'album Baby Darling Dollface Honey, qui était une position au hasard que j'ai choisi. Ben, pas au hasard, parce que j'ai choisi parce que je l'aimais. Là. Mais une position quelconque dont on se fout. Ailleurs, dans cette même semaine du 25 septembre en 2009, il y avait Le Roi Poisson, Les Fantines Majum, Vincent Vallière, Ariel, Le Nombre, Damien Robitaille, il y avait aussi Mimi Van Der Glo, formation locale, Yann Perrault, Bernard Adamus était là, ainsi que Charlatan du côté francophone. En anglophone, il y avait Steve Hill, il y avait Dee Mannequin, que j'aime beaucoup, Standing Waltz, que j'ai toujours adoré, Mars Volta, Marcy Playground et un paquet d'autres. Retrouvez le lien sur assemblagerequis.com. C'est tout pour la semaine du 25 septembre 2009 dans CTF. Voilà, et on retourne notre palmarès. En fait, on va terminer ça rapidement hein, parce qu'on a juste à peine le temps pour ces positions numéro 7. Du côté anglophone, ce sera Bad Sons et Salt. Mais avant ça, voici Chose Sauvage et l'épave trouée qui descend d'une place sur C'est Fou 89.1 FM. C'est palmarès, C'est Fou. attached to this name. My body I must reclaim, with different eyes and no shame. Salt. Look in the mirror and tell me what it is like to be free. How do I grasp reality when I don't have an identity? Can I look through, cause I'm not like you, and I don't believe in the truth, cause all of my life's built on lies. Salt par Bad Sons et ça monte d'une place en anglophone, c'est la 7e position. Et avant ça, en francophone, c'était Chaud Sauvage et l'épave trouvée qui descend elle d'une place. C'est donc bon ce petit bloc-là, oui. C'est la fin de la 2e heure de la portion top 10. On se retrouve dans quelques instants avec la portion top 5. On va savoir d'ici la fin si numéro 1 francophone est toujours Rouge Pompier et Vert de Terre. Et en anglophone, on apprend à l'instant que Debbie Tubbs featuring Mr. Ballard descend en 6e place. On n'a pas le temps de l'entendre. La pièce s'appelle Up. Aussi, on saute par-dessus la 6e francophone, Hôtel Morphée avec Hôtel. J'ai oublié de le dire, c'est ma faute. On revient dans 2 minutes, restez là. Troisième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 22 au 28 septembre 2014. C'est la portion top 5 de notre émission. Donc, on entre dans le top 5. Hein? C'est-tu pas un bel addon, tout ça? Dans cette troisième heure, on aura aussi la chronique Ailleurs dans les Palmarès. On va visiter un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les Palmarès. J'ai l'impression de me répéter parce que les titres sont tellement descriptifs dans cette émission-là par rapport à Assemblage requis où aucun nom veut dire grand-chose. Donc, position numéro 5 anglophone, c'est Orange O'Clock avec Belly Button qui est stable, alors qu'en francophone, c'est aussi stable. Donc, pas alors que.

losing control in her mind. Desperation seizing her. The suitcase full and too heavy to carry. Painkillers don't kill pain anymore. And I say no. No, you won't go. Yeah, I say no. C'était les excellentes 5e place en anglophone Orange O'Clock et Belly Button qui est stable. Même chose en francophone, Mise en valeur featuring Carré Moulette et L'amour est un monstre. Tout de suite, les 4e places en anglophone de Devin Cuddy Band et 44 qui est stable. Et en francophone, ça descend d'une place. Lancé numéro 1, voici Rouge Pompier et Vert de Terre. On peut leur rester fou. Dans un nid de poule, j'suis comme un ver de terre. did he treat you kind? For this baby, oh, I'm sure I'll do some time. Oh, you better tell him, oh, the gas all up his car. You better tell him, oh, he better drive far. He better run to the ocean. He better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. The Devin Cuddy Band est 44 stable en quatrième place, qui est là depuis 4 semaines. Donc, c'est un 4-4-4, un triplé de chiffres. Ça arrive pas bien souvent, ça. Et en francophone, on a entendu Rouge Pompier et Vert de Terre. C'est l'ancien numéro 1 sur leur album. En fait, c'est un single. C'est un simple. C'est un simple. C'est simple. Pas compliqué à comprendre. Du côté du numéro 3, suivra plus tard The Harpoonist and the Axe Murderer avec T42 qui monte de 3. Avant ça, Carl Eric Hudon avec Que Dieu bénisse les marathoniennes qui montent d'une place. Le temps de vous dire que plus tard à l'émission, on va voir ailleurs dans les palmarès, la petite section où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, comme dans le top 10 Loud, le top 5 musique du monde, etc. etc. Ça s'en vient juste tantôt, là. Dans incessamment, dans peu de temps, voilà. Donc tout de suite, Carl Eric Hudon, on parlera, c'est fou! Harpoonist and the Axe Murderer avec T42, position numéro 3, anglophone, ça monte de 3 places. Avant ça, c'était Carl Récudon et que Dieu bénisse les marathoniennes qui montent de 1 sur l'album Nous étions jeunes. Avant de passer à Caravan et Tina en deuxième position, on doit aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs dans les palmarès, on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est plus qu'un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Les palmarès c'est fou, c'est aussi un top 30 des albums, un top 30 des succès canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons par le top 30 des albums. Il y a quelques nouvelles entrées, j'en compte 5. En 30e place, oh wow, The Horse, avec l'album The Horse. En 20e place, The Last International, avec We Will Reign. En 18e, Rich Aquin, avec Ephemeral, c'est juste le mot correctement écrit. En 7e place, In Flight Safety, avec Conversationalist. Ces trois-là, d'ailleurs, on les a entendus précédemment dans l'émission. En 6e place, c'est l'album le plus récent de Debbie Tabs, qui s'appelle Up. En 3e place, ça monte de 2, The Harpoonist, and The Axe Murderer, avec A Real Fine Mess. En 2e, Tina, avec Tingle and Spark. Et en 1ère place, qui dévoile peut-être des punchs, mais peut-être pas aussi. The Pretty Reckless avec Going to Hell. Dans le top 3 des disques canadiens maintenant, c'est The Devin Cody Band en 3e, en 2e The Harpoonist et en 1ère place T-Nal. Dans le top 10 Loud maintenant, une nouvelle entrée en 5e place, Blood God, avec un album qui porte probablement un nom. En 3e place, c'est stable Opeth avec Pale Communion. En 2e, c'est stable Blues Pills avec Blues Pills. Et en 1ère place, c'est stable 4e semaine de présence pour Ace Frehley et Space Invader. Pour terminer, on a le top 5 musique du monde. Oh yeah! L'artiste s'appelle Fanny avec la pièce Susanna. Hein? En 3e place, Zebda de l'artiste du groupe Les Shibani. En 2e place, c'est l'artiste Sanya Naru avec Aurelio. Et en 1ère place, c'est l'artiste Revolution avec la pièce Simrit sur l'album Simrit. Voilà! Justement, tiens, j'ai envie d'aller entendre la position numéro 1, donc on va entendre Simrit et Revolution tout de suite dans la chronique Ailleurs dans les palmarès, ici même au palmarès, c'est fou. Revolution, a movement in my heart. It's a cold and lonely place, living without you. I have yearned. So please don't ever part. Only truth can build my life in this direction. I'm a congregation. C'est la pièce Simrit de l'artiste Revolution, en première place stable francophone, dans le top 5 des musiques du monde. Colin, t'as trompé ma reine, voilà. On retourne à nos palmarès, on était rendu aux positions numéro 2 du côté anglophone. C'est Tinal avec If Only qui monte de la 18e place, donc un bond vers le haut, un saut de 16 positions. C'était nouveau la semaine passée. Avant ça, en deuxième place francophone, ça monte d'une place. Voici Caravane, les chiens noirs sur C'est fou, 89 FM. Oui, monsieur. Voilà. On est jeune, on est con, et notre monde est cruel. Comme Louis se nourrit, non pas de nos cœurs. Minuit. Je t'en donne c'est tout ce que j'ai fait, minuit. Je suis un homme. Tu dois me laisser payer mes dettes, minuit. saying it's all. I'm playing it hard. You're riding it strong. Let's fuck it all. If Only en deuxième position anglophone, ça monte de 16 et en franco, c'était Caravane et Chien Noir qui monte d'une place sur l'album qui s'appelle aussi Chien Noir. Alors, on est rendu aux premières places et vous savez, d'habitude, ce serait le moment de faire les jeux de mots poche, mais j'ai pas envie, j'ai pas d'humeur à ça, faire les jeux de mots poche. Dieu sait que c'est difficile à chaque semaine de risquer sa vie pour faire une belle et jolie blague qui me mènera en enfer. Hein? J'ai fait des blagues sur le numéro anglophone. Ça paraissait pas. Ça paraît vraiment naturel comme conversation. Mais que voulez-vous? C'est comme, je veux dire, à la radio, on peut faire à peu près n'importe quoi. Hein? Et c'est supposé avoir l'air naturel. C'est supposé être comme vraiment, ça a l'air vrai. T'sais. Comme si en ce moment, j'étais complètement nu en studio, que j'étais. Ou encore que je portais pas de sous-vêtements en dessous de mes jeans. Genre que j'étais commando. Commando, c'est quand tu portes pas de sous-vêtements. Commando, c'est le jeu de mots du côté francophone. Et donc, commando de Propofol, qu'on s'en va entendre sur l'album Le Banquet, qui monte de place en anglophone. C'est The Pretty Reckless, hein? The Pretty, joli, Reckless, comme c'est ça. Comment dire? Il y a un mot pour ça en français, j'imagine. Heaven knows le nom de la pièce en francophone, en anglophone, donc elle monte de deux places. On écoute ça à l'instant. Ça, ouais, c'est vraiment. Oh, je sais. J'ai même pas essayé ce coup-là. Oh, Première position. You can hear him cry, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below, way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash, living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet, she's just sitting there on her feet. Sing it. Pretty Reckless et Heaven Knows, position numéro 1 anglophone. Et avant ça, Propre Folle avec Commando qui monte d'une place. C'est les deux numéros 1 de cette semaine du 22 au 28 septembre 2014. On a le temps de reculer un petit peu dans les choses, vers les choses en fait qu'on a sauté plus tôt dans l'émission. On va entendre les 6e places en anglophone, Debbie Tebbs featuring Mr. Valar avec Up. Tout de suite, voici Hôtel Morphée et Hôtel. Dans les palmarès, c'est fou. Thank you. Right. L'ancien numéro 1, c'était Up de Debbie Tubbs featuring Mr. Valère, maintenant en 6e place anglophone. Et en 6e franco, c'était Hôtel Morphée et Hôtel qui monte de 4 places. C'était des pièces qu'on avait sautées plus tôt dans l'émission. Voilà qui termine les palmarès Cifou pour la semaine du 22 au 28 septembre 2014. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, entre 14h et 17h pour notre édition en direct. On repasse les. Alors, enfin, avant de dire ce que c'est, quand est-ce qu'on repasse, après nous, c'est les palmarès du monde suivi d'Audiomatique. Ensuite, on repasse le vendredi entre 17h et 20h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges. Et finalement, à toute fin, le dimanche, entre midi et 15h, la dernière rediffusion des palmarès Cifou. Cifou.ca pour la programmation complète, à sondagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. À la semaine prochaine. Bye. Bye. On se quitte avec rien. On fait juste s'en aller. Bye.